une plage sur une terre me rappelle un souvenir. Dans le sable si austère, je jette où je suis trahi. Une main me prend le cou. Sur l'angoisse des jours futurs, j'ai si peur pour nous deux, je refuserai le cyanure. Et l'oubli vient me parler pour me dire que j'ai perdu un enfant dans la forêt. Mais jusqu'au bout je crierai, laissez-lui la vie, rendez-moi mon enfant. Sur l'angoisse des jours futurs, j'ai si peur pour nous deux, je refuserai le cyanure. C'était mon enfant, je le sais, un petit bout de rien du tout. Et maintenant qu'il m'a quitté, je voudrais dire jusqu'au bout, rendez-lui la vie, rendez-moi cet enfant. C'est l'enfant de l'amour, un enfant pour un jour. Rendez-lui la vie, laissez-moi cet enfant.